بسم الله الرحمن الرحيم. فوالله هذه عبر ودروس، أن الخروج ولو على أمراء ظلمه عصاه فسقه يسبب فتنا أعظم ومخاطر أشد وضلالات بعيدة بالناس ومتاهات وشرور. وإلا فإن هذه المظاهرات لا يملكون عليها أثارة من علم ولا برهان، وليس ثم لدى القوم إلا الحماس. هذه فكرة ماسونية، والمسلمون ينساقون وراء أفكار الغرب ويقاضون أغراض بعضهم في بعض. La séfite al-an que tu vois, bilad al-muslimin, par rapport au gouverneur, que ce soit les révoltes, les manifestations, les attentats ou autres, tout ça, c'est le sabab mukhalafat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Car Allah subhanahu wa ta'ala, wa lan tarda anka al-yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum kitabun wa sunna fihim an-najah. وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. فهمونيغ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه كلمة مختصرة من شيخنا العزيز يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، متعلقة بخطورة الخروج على الحكام، la gravité de se révolter contre les gouverneurs musulmans. تعلمون أن من الفتن هذه الأيام ضلي بي مسلم أن الكفار قاتلهم الله يفون تو أساس من وسائلهم ومن حربهم على الإسلام والمسلمين يفون تو pour semer le désordre في البلدان الإسلامية. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est pas بعيد عنا. Ce qui s'est passé en Égypte, ce qui se passe en Libye, au Yémen, en Syrie, en Irak, ma'rouf. Et une des causes, et il y en a plusieurs, c'est que كثير من المسلمين, ils n'appliquent pas manhaj al-salaf al-salih fi al-ta'amul ma'a ulat al-umur, ma'a al-hukam. والمسلم ولله الحمد الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالإسلام، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمسلم il fait pas ce qu'il veut أبدا. المسلم il a une شريعة à suivre, des ordres, des interdits. Il y a des hudoud, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فأيها المسلم, tu fais pas ce que tu veux, أبداً. أيها المسلم, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé pour un but bien précis. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَاعْلَمْ أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم c'est une cause de fitna في الدنيا، وكذلك c'est une cause de عذاب في الآخرة. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسفت الآن que tu vois في بلاد المسلمين par rapport au gouverneur, que ce soit les révoltes, les manifestations, les attentats ou autres, tout ça, c'est le sabab mukhalafat al-Nabi alayhi salatu wassalam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. C'est ça la cause. Mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va voir cette parole de Cheikh Yahya Hafidhahullah. Il nous explique madhhab al-salaf as-salih par rapport à l'obéissance au gouverneur, voilà aussi ils sont injustes. On va voir le mu'amal as-sahiha. Celui qui applique ça, bi'idnillah azza wa jal, il sortira de cette fitna. ولا تغتر أخي الكريم بالكفار والله أن الكفار يتفل أكام بي يتفل كتن شر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ils seront pas satisfaits toi أخي الكريم jusqu'à ce que tu les suis et tu délaisses ton din. قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فلا تغتر. La taqtar. Wallah, le kafir, il ne te veut aucun bien. Et al-hakim, tant que c'est un musulman, c'est ton frère. C'est ton frère. Et tu patientes avec ton frère. Il a des péchés, il commet des injustices. Lakin, ça reste ton frère. Et le Nabi sallam, il t'a montré al-mu'amala as-sahiha. Fatata'ajjab al-an, ba'd al-nas, yamiloun ila al-kuffar, que ce soit la tenue vestimentaire. Bel ba'dhum mahabba, il aime certains kuffars, il aime leur fondement, il aime leur mabadi, comment ils vivent, leurs pensées, wal'iyadu billah, et rubbama il déteste son frère al-muslim, hakim ou autre. Et ça c'est pas min al-tawfiq, abadan. Wallahi, ça c'est min al-inhiraf. Kama qala azza wa jal, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Sheikh hamidahullah Yahya, il nous récapitule, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi de lire, ce maqal, il a cité quelques adillah, il a cité les méfaits. Fanaqra, on a sallallahu subhanahu wa ta'ala tawfiq. Qala al-shaykh, al-khuruj fitna wa shar. Sahih, fitna wa shar. Limada? Fitna, li'annahu c'est une mukhalafa li hadi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme on va voir les adillah. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Khalif ce dalil et faire le khuruj contre un hakim muslim, c'est une fitna. Fala taghtar. La taghtar, beaucoup de gens ils le font. Il faut qu'on change les choses. Wallahi, c'est une fitna. Et n'oublie pas, yawm al-qiyama, tu auras des comptes à rendre. Limada, tu t'es révolté contre ce gouverneur. Wala yamfa' yawm al-qiyama de prétendre anna ya la une hausse des prix, il n'y a pas de travail. La yamfa' hada. Maintenant, on parle avec des fondements de din. On ne parle pas avec des fondements de hawa. Et je suis sorti parce que j'avais besoin. Là, voilà où tu avais besoin, voilà où tu étais opprimé, tu as subi une injustice. Là, il y a du al-khuruj, tant que c'est un musulman. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir, il nous a donné la solution, al-sabr ou al-du'a. Amma se révolter, ce n'est pas une solution. Illa, عند al-kuffar, ou man ightarra bil-kafara. قال الشيخ قال الخروج فتنة وشر ثم إباسيت لماذا قال الخروج فيه إباسيت دي بوان الآن بوركوا سي شر فتنة قال أولا تعطيل مساجد المسلمين صحيح صحيح quand il y a eu la révolte en Tunisie, en Égypte, tous ces pays, en Libye, والله بعض المساجد ils ont été fermés. Au Yémen, بعض المساجد هنا صنعاء quand il y a eu la révolution ils étaient fermés, خلاص. Il y a quelques jours, quand ils se sont révoltés عند masjid al-Ra'is, le masjid du président, et le masjid a été fermé pendant des jours. بأي حق? Qui c'est qui leur a autorisé هذا? Al-an, un muslim, il participe à une chose, la conséquence c'est de fermer un masjid. Plus de jumu'a et plus de jama'a. Na'oudou billah. Ça c'est une des causes du khuruj. Wa'ad al-nas, ils ont fait rafla. Et on peut donner une surah, ta'atil masajid, ay, matalan, ils sortent, ils font des manifestations, au débarrage, les gens ils n'osent plus sortir, comment ça finit, des blessés, des morts, les personnes, les musulmans, ils pensent plus bien dans le halal au masjid, ils chez lui, le masjid lui attend, Rabbama il le ferme, ils ont peur d'une destruction, ils ont peur, et le masjid il est fermé. Al-sabab c'est qui? Ha'oula al-thawwar, al-khawarij, ceux qui font le khuruj. Qala thaniyan, fihi ta'atil aswaq al-muslimin, kadalik, l'économie elle prend un coup de jitem. Et ça c'est une des causes que le kuffar il les propage fi bilad al-muslimin. Vous avez remarqué que le kuffar ils font tout pour pas qu'il y ait le khuruj indahum, alors que c'est des zalama, des kafara, et ils sont injustes envers leur peuple fi kathir min al-umur ma'ruf. Lakin quand il y a un début de khuruj, une manifestation, ils font tout pour l'éteindre. Là ils savent que ça fait du mal à leur peuple, il y aura blessé et mort, ils savent que ça fait du mal à l'économie, ta'atil al-aswaq, et les autres mafasides qu'on va citer. Et tu trouves, nous, ashabna, masakin, muslimin, et ils foncent. Daiman, ils foncent. Dès qu'il se fait du mal, il a perdu beaucoup de choses, il regrette. قال ثالثا فيه تعطيل جماعات المسلمين ومزارع المسلمين. نعم صاغون دون سكون ابي اوبارامون لا شك هذا والله حتى المزارع لي فتن الان كي اوي pendant le khuruj les manifestations pendant des mois ce qu'ils ont appelé le printemps arabe c'est une fitna حتى le nom شوف على مكر le printemps arabe اي on était perdu. Et ils nous ont sortis de cette perdition, de ce champ, avec ce printemps. Le printemps, c'est un mot que tu emploies pour quelque chose de bien. Le printemps, ma'rouf. Le printemps arabe. Qal, hatta riyad al-hal, pendant des mois ça a duré, ba'd al-mazari, des agriculteurs, ils ne pouvaient plus aller dans leur mazara. Fada'at. Ba'at, liana al-mazari, ça demande de l'entretien. Fabi'ay haq l'an, bi'ay haq. Qui c'est qui t'autorise à faire du mal à ce musulman à cause de ta manifestation, à cause de ton khuruj? Les masajid, ils ont fermé. Les aswaq, l'économie, elle chute. Hatta al-mazari', l'agriculture, bi ay haqq. Qala ar-rabi' fi ta'til mawashi al-muslimin. Al-mawashi, c'est les bêtes. Les bêtes, sahih. À cause de ces fitan, ba'dhum khalas, ils s'occupent plus de leurs bêtes, de leurs champs, ta'attalat. Wa rubbama dha'at. قال فيه ترميل النساء et ça c'est une fitna azima ترميل النساء الترميل c'est beaucoup de femmes elles deviennent veuves à cause de ces manifestations لماذا لأن son mari il sort il fait le khuruj et il se fait tuer ou ربما son mari il n'est pas sorti il était في حاله في ربما في الشارع ربما il va au travail لكن بسبب الثورة manifestation ربما des émeutes ربما ça va loin et cet homme il se fait tuer بغير حق il laisse une femme وحدها مسكينة بأي حق qui c'est qui a autorisé هذا الآن في الشرع قال وتيتيم الأطفال كذلك تيتيم الأطفال أي ça devient des أيتام des orphelins combien الآن dans les pays arabes الآن si tu viendrais à faire un récapitulatif la Tunisie l'Égypte la Libye le Yémen, etc. Combien l'âne de veuves et d'orphelins à cause de cette fitna, de ce khuruj? Et al-kuffar, il est tafarrajoun. Al-kuffar, chez eux, c'est la paix. Qatalahumullah. Et il est tafarrajoun alayna. On se fait du mal entre nous. Tomma des veuves et des orphelins. Qala, al-sabi' fihi dhulm al-abriya. Mais hada, c'est wadih. Wallahi, certaines manifestations, comme ta'alamoun, ils sortent, soi-disant, il sort contre le gouvernement ou contre le gouverneur. La première chose qu'ils font, c'est du mal au peuple. Ils cassent les voitures, ils cassent les magasins, ils brûlent, ils cassent maisons, ils font du mal. Mais qui c'est qui lui a autorisé ça? Il se plaint d'une injustice, soi-disant le gouverneur il est injuste. Et ça peut être haq, il peut être injuste, là, qui ne sait pas la solution. Lui-même il fait une injustice. Qui c'est qui t'a autorisé à casser la voiture de ton voisin? Le prophète sallam, il a interdit ça de faire du dhulm à ton frère musulman. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال عليه الصلاة والسلام لكن حقيقة هؤلاء الجهال من المسلمين كي سخت ils sont manipulés والله لا يفهمون ils sont aveuglés خلاص ils pensent qu'à lui il y a une hausse des prix ça lui fait du mal ils pensent qu'à lui quitte à faire du mal aux autres et ça c'est une fitna. C'est une fitna. Il serait à la sunna il comprendrait le Coran al-Karim il reviendrait à ulama al-Millah. Et Ibn Allah Azza wa Jalla comprendrait ces choses. Et nous, le but de lire ça, ربما بعض الغافلين يستيقظون, ils se réveillent. قال الشيخ حفظه الله كل هذا يحصل من الخروج. هذا وزيادة. الشيخ il n'a pas tout cité, لكن أهم ما يحصل c'est هذا. قال كم فيه من الأضرار الدينية والدنيوية. الدينية, tu as l'exemple avec le masajid. تعطل. بل طلب العلم. Nous, ce qui s'est passé à Dammaj, la haqiqa, ça a commencé quand ils ont fait le khuruj. Quand ils ont fait le khuruj à Sana'a, ils ont déstabilisé le gouvernement. Tout le gouvernement il a été occupé de Ha'ula al-Farag, al-Hamad. Tout le al-Rawafid tamakkanu, vu qu'il n'y a plus de la Daoula, elle est en faiblesse, tamakkanu, et ils ont attaqué Dammaj et autres. Tout ça, le sabab, c'est quoi? C'est le khuruj. فلهذا قال الشيخ من الأضرار الدينية والدنيوية. Ça fait du mal niveau din et ça fait du mal niveau dunya. C'est qui le gagnant? C'est pas le musulman, abadan. Enfin, c'est pour ça que le kufr al-kafir, il fait tout pour propager ses manifestations et ses révoltes dans les pays musulmans pour te faire du mal, akhil karim, dans ton din et dans ta dunya. Al-kafir la yarham abadan. Wallahi, al-kafir, il pourra en finir avec toi, il en finira. Lakin, vu que al-kafir, ou le kuffar, c'est des djoubana, ils essayent de, qu'on se fasse du mal entre nous. Hatta huwa, il n'a aucune perte. Al-an, tasawwaranta, combien de morts il y a eu en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen? Des milliers de morts. Al-Kafir, il aurait voulu tuer ses musulmans lui-même, la chèque, il aurait eu des pertes lui aussi. Là, ils ont trouvé cette solution, on se fait du mal entre nous, à la fin des milliers de morts, Al-Kafir, spectateur. Et tafarraj. Une fitna, là, qu'il y a des gens qui ne savent pas, ne savent pas. Le Cheikh, Hafidhahullah, fa nashhad Allah. على أننا نبغض الخروج على الحكام من قلوبنا نبغض الخروج وننكر المنكر نبغض الانقلابات ونبغض التفجيرات. الشيخ يتموني أنه يتتست الخروج على الحكام المسلمين. لماذا؟ لأن الشيخ على عقيدة أهل السنة. قال نبغض الخروج وننكر المنكر. سبب بادي قون أكسبت المنكر أبدا. الحاكم سيلا منكر لغوفرنر إلى منكر ونتتست منكر. إذن نبغض الخروج. Lakin avec le turuq al-shar'iyya, c'est pas une solution les manifestations pour enlever le munkar. Mathalan, au Yémen, une des causes qui sont sorties et qui sortent là, c'est la hausse des prix, le carburant, mathalan. Ça fait du mal à certains. Al-an, si tu peux enlever ce mal avec turuq al-shar'iyya, mathalan, on conseille le hakim, on patiente, on fait du'a, tayyib. Al-an, la hausse des carburants, pour toi c'est un munkar. Tu sors, tu casses la voiture du voisin, c'est un munkar kadalik. Qui c'est qui t'a autorisé à faire ce munkar? Alors que toi-même tu prétends que ce gouverneur il fait du mal. Anta kadalik, tu fais du mal. C'est une fitna. Qala, wa nubghid al-inqilabat. Inqilabat, c'est les coups d'état. Ça veut dire inqilab, à y retourner, renverser. Coup d'état contre le gouverneur. Qala, wa nubghid al-tafjirat. Ah, ça c'est une fitna kadalik. Tafjirat, les attentats. Nasallahu al-afiyah. Tout ça, ça fait du mal aux musulmans. Et tout ça, c'est manipulé par le kuffar. Et tu trouves, بعض السفهاء من المسلمين, des jeunes سفهاء, ils n'ont pas d'ilm, ils sont manipulés. Et, في الحقيقة, يحققون ما يريدون, أو ما يريد, الكافر المجرم. إما révolte, إما انقلاب, coup d'état, إما des manifestations, إما des fois, ça va plus loin, un attentat. Ce musulman, tafjir, il se tue, il se suicide, c'est haram alay. Personne lui a légiféré hada. Abatan. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont interdit les suicides. Lakin il est manipulé, fayufajjir. La conséquence c'est quoi? Ça fait du mal aux musulmans. Qala allati tadur al muslimin wa bultan al muslimin wa bi aswaq al muslimin wa bi dur al muslimin. Le musulman, abatan, il est gagnant fi hada. Abatan. Ça fait du mal à tout le monde. Ça fait du mal à tout le monde. L'économie, elle chute. Elle khawf. La peur, elle s'installe. Wahakada. Furqa. La division. Qala al-Sheikh al-Tafjirat. Fiha al-Qatl al-Sahiq. Fiha al-Adrar. Qala fiha al-Adrar al-Muhila. Wa al-Zulm al-Abriya. Wa nubghid al-Mudaharat al-Hamadiyya. Sahih. Il a cité quelques méfaits des Tafjirat, des attentats. Ahl al-Sunnah. Les salafiyoun, ils sont contre les attentats. Wallah, hatta al-kuffar, ils savent hada. Ils savent très bien. Ils savent très bien dans les sites salafis, dans les livres, dans les paroles des savants, kayf yunkiroun at-tafjirat. Ils le savent très bien. Ahyanan, ils essayent de faire l'amalgame, de mélanger entre Ahl al-Sunna, salafiyoun, et Al-Qaïda, Al-Mujrimoun, ceux qui font ces attentats. Lakin, al-haqiqa, al-uqala, hatta min al-kuffar, ils savent très bien la différence. وبعض الناس الآن الحمد لله يفعلون الفرق. يعرفون أن السلفيون والسلفيين يسون ضد هذه الاعتداءات. يسون ضد. قال ونبغض المظاهرات الهمجية. صحيح. مظاهرات. لمانيفستاسيون. سفهاء. يسون. يد لاميكسيتي. حتى يد الأطفال ربما. تتخوف سفهاء. نحن لزابي في صنعاء. c'est pas العقلاء qui sortent. أبدا. والله la plupart. Les al-kuffar, ils en profitent via al-hal. Ils disent matalan, des milliers de personnes, ils sont sortis à Sana'a pour renverser le gouvernement. Et ce gouvernement injuste, il y a des pauvres gens, ils sont sortis pour le renverser. بعض الناس يفواي لي ميديا يبروباج جدا يبونس كو ما شاء الله سي جون يسون بريمي يفول والله سي دو كذب نحن لي زافي والله همج كي سا des enfants 15-16 ans, ils n'ont rien à faire. Kathir minhum, c'est des foussaks mujrimin, et ils en profitent, ils sortent, ils cassent l'akhirah. Amma al-uqala, kathir minhum, ils détestent ce genre de khuruj. Lakin al-kuffar, ils en profitent, kama ta'alamu. Qala, wa kullu ma yadhur al-muslimin fi dinihim wa dunyahum, ay nubghidu. Qala, yajib ala al-muslimin an yubghidu. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سساء الحكم سساء فصل النزاع dans cette مسألة celui لأن بعض المسلمين الآن ils vont te dire là les manifestations c'est bien il faut du changement il faut qu'on combatte l'oppression il faut tout ce qu'elle a à faire et nous maintenant on va dire là c'est haram Entre nous et eux, tant que c'est un musulman, on revient à ce verset. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Al'an Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit le khuruj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit le khuruj. On va voir tous les adillah. Il nous ordonne d'obéir au gouverneur tant que c'est un musulman. Et tant que ce n'est pas une ma'siya, bien sûr. Kadhalik, on va voir que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, ils nous ont interdit de qu'on se fasse du mal entre nous. Maintenant, si on revient aux preuves du Coran et de la Sunna, qui c'est qui t'autorise, Akhil Karim, de te révolter, de manifester, ou l'ayadu billah, de commettre des attentats, qui c'est qui t'a autorisé hada? Illa al-hawa était manipulé par le kuffar. Qala, ulul amr yashmal umara al-muslimin wa ulama al-muslimin. Naam, comme ils ont démontré, al-ulama, kathir minhum, ibn kathir wa ghayruh, ils ont démontré anna ulul amr, ça englobe al-ulama wa al-hukam. Ça englobe les deux. Et en haqiqa, avec les deux, avec ces deux catégories, les savants et les gouverneurs, en haqiqa, si l'umma, le shabi revient à ces deux autorités, les savants et les gouverneurs, inshallah, ils seront à la khayr. Lakin l'an, mushkila, khuruj ala al-hukam et khuruj ala al-ulama. Tu trouves, ad soufaha, ils font le khuruj ala al-hukam, ils font des manifestations, et tu trouves, ad dullal, ils font le khuruj ala al-hukam, ala al-ulama, ta'an fil ulama. Ils disent que l'ulama, ils travaillent avec le gouverneur, ils sont payés. Ils n'osent pas dire la vérité. Tout ça, fitna. Fitna manipulée par qui ? Par les kuffars. Qala. Qala yashmal umara al-muslimin wa ulama al-muslimin wa al-wajib tadafur al-juhud baynahum. C'est ça le wajib. C'est que les savants, ils s'entraident avec le hukam et le peuple, il respecte les savants et les gouverneurs. Et on s'entraide. Et si quelqu'un a une faiblesse, on l'aide. Si quelqu'un a une faute, on le conseille. Ah, mais on se fait du mal. Et on se tue entre nous. Na'oudou billah. Tout ça, c'est le kafir qu'on profite. Qala ulil amr min al-ulama wa umara fal-alim yubayyin al-hukm al-shar'i wal-wali yunafidhu. Sauf à la hikma. Al-alim, il montre al-hukm. Maintenant, l'alcool, elle s'est propagée dans ce pays musulman. Al-alim, il va faire une fatwa. أن الخمر l'alcool c'est haram. Et il va citer les adillah من القرآن من السنة. Il va montrer les méfaits. Al-hakim, il va combattre l'alcool, il va l'interdire. Al-alim, lui, il ne peut pas. Maintenant, Wahed, dans son magasin, il vend de l'alcool. Le savant, il ne peut pas rentrer dans son magasin et retirer l'alcool. Là, il ne peut pas. Al-hakim, il peut. Fal-alim, il montre. Al-hakim, il applique. Et c'est ça l'intérêt d'obéir à ces deux autorités. C'est ça l'intérêt. Il est azim. Al-hakim, il montre. Ou al-alim, plutôt, il montre. Al-hakim, il applique. Kayf al-an? Ces pays musulmans, un kathir minha, ils respectent plus leurs savants, ou ils connaissent pas leurs savants, et ils détestent leur gouverneur, et ils font le khuruj. Là, ça donne des peuples instables, et la fitna qui est actuelle dans les pays musulmans. Qal al-shaykh, hafidahullah. Qal wa fil bab hadith, al-an il va citer des adillah. Hadith, Abdullah, ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره Ils étaient en voyage avec le prophète صلى الله عليه وسلم des compagnons قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ils étaient en voyage et il a rassemblé tous ses compagnons ils étaient occupés il les a rassemblés et il va leur citer cette parole. Qala alayhi salatu wassalam innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Ça c'est مهم. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré, chaque nabi il a montré à son peuple le khayr et les a mis en garde contre le mal. Il leur a montré le bien pour qu'ils l'appliquent et les a mis en garde contre le mal. Ça te montre, ayyuhal muslim, tu dois revenir à hadha an-nabi alayhi salatu wa salam. Dès que tu fais une chose, est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a autorisé ذلك? Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit ذلك? C'est ça ton mizan, c'est ça ton manhaj. Amma al-hawa, tu fais ce que tu veux. Un jour t'obéis au kuffar, un jour t'obéis à ton hawa, un jour tu suis la majorité, un jour tu suis ton père, un jour tu suis tes ancêtres, un jour tu suis na'oudou billah. C'est ça qui fait la division là. Moi je suis sunnah, toi tu suis tes ancêtres. Il y aura un khilaf entre moi et toi. Moi je dis les manifestations et les révoltes sont interdites. Et on va lire les adillah. Toi tu dis c'est autorisé, t'as aucune preuve. Tu suis tes passions, faqat. C'est ça qui fait le khilaf là, entre l'umma. Qala وَيُنذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا. Ça, ça montre qu'anna ayyuhal muslim, nos exemples, c'est هؤلاء الرعيل الأول, la première génération. لأن النبي صلى الله عليه وسلم les a zikki l'an. إِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا. Al-afiyah, c'est, ils sont loin du mal. C'est, al-afiyah, matalan, fil badan, c'est la bonne santé. Fal-afiyah de cette umma, elle est dans la première génération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Enfin, si tu veux l'afiyah, tu veux le khayr dans ton din et dans le dunya, tu suis ha'oula. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin. Qala wa sayusib akhiruha bala'un wa umur tunkirunaha. Tunkirunaha. Naam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a montré à la fin. Et après cette génération, plus t'avances dans le temps, bala wa umur tunkirunaha. Aïbala, des fitanes, des choses que vous détesterez, elles toucheront cette umma. قال وتجيء فتنة فيفرق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. Des fitanes, elles vont venir, elles vont toucher l'umma, حتى المؤمن il va penser qu'il va à sa perte. ثم cette fitna elle passe, ثم une fitna autre elle vient, ou هكذا. قال نختصر الحديث, il est long. قال في الأخير, il te montre l'an, c'est quoi la solution? قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. Ton حاكم سا مسلم, tu dois lui obéir tant que tu peux. قال فإن جاء آخر ينازعه فضرب عنق الآخر. Si un autre vient pour faire un coup d'état contre ce gouverneur, faire tomber ce gouverneur, renverser ce gouverneur, النبي صلى الله عليه وسلم قال فضربوا عنق الآخر. أي المذموم الشرير, celui qui fait du mal, c'est celui qui veut renverser le gouverneur musulman. C'est pas le gouverneur musulman lui-même. فلماذا الآن أخي الكريم tu t'entraides et tu veux faire tomber ce gouverneur alors que النبي صلى الله عليه وسلم il a montré tu dois lui obéir. قال الشيخ حفظه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا قال نعم كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المر, أي على الشخص, على الإنسان, السمع والطاعة فيما أحب وكره. Tu dois obéir à ce gouverneur dans les choses que tu aimes et les choses que tu détestes. مثلا une chose que tu détestes, la hausse des prix. النفس لم pas هذا لأن ça te fait du mal, لكن اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم, est-ce qu'il a dit tu sors et tu fais des manifestations? أبدا. قال, on répète, قال فعل المرء السمع والطاعة. توبي, écoute et توبي. قال فيما أحب وكره. قال وإلا أن يأمر بمعصية. Bien sûr, si c'est une معصية là. Le gouverneur, مثلا, demain il nous dit il faut vous raser la barbe, il faut que vous buvez de l'alcool. أبدا, on n'obéit pas à هذا الحال. Et on patiente. Ça ne veut pas dire qu'on fait le khuruj. Un Nabi alayhi salatu salam, quand il a dit illa an yu'mar bi ma'siyah, ça ne veut pas dire que tu fais le khuruj. Là, ça veut dire que tu ne lui obéis pas. Là, tu ne fais pas de khuruj. Là, le khuruj, ça ne fait que du mal. On a cité les méfaits au départ. Fantabihu li hadha. Qala illa an yu'mar bi ma'siyah, fa idha amara bi ma'siyah, fala sam'u wa la ta'a. Est-ce qu'il a dit Nabi alayhi salatu salam, on se révolte, on sort, on fait des manifs, on tue, on casse? Qala fa idha amara bi ma'siyah, c'est ce gouverneur. Et nous ordonne de faire des ma'asi, on n'obéit pas. On lui dit là, on ne peut pas t'obéir, fait Abdelham. On obéit à Allah et à son messager. Et on fait du'a pour lui et on le conseille. À ma sortir là, ça fait que du char. Quand on dit sortir, aïe se rebeller. قال وحديث أنس رضي الله عنه في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Il donne cet exemple, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est un esclave, Habashi, ça devient le gouverneur, as-sam'u at-ta'a, on lui obéit, on l'écoute. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala, il met de la baraka fil amir. La umma, elle obéit à ce amir. C'est lui qui applique le hudud. C'est lui qui, bi-idhnillah, bi-sababihi, il y a la paix. Al-mujrimin, ils n'osent pas faire des choses. Vous avez remarqué que quand il y a des manifestations, quand il y a des révoltes, al-mujrimun, ils en profitent. Par exemple, Al-Rafid al-Hudhiyoun au Yémen, quand il y avait l'Amir et il avait de la quwa, ils avaient leur pensée, mais ils n'osaient pas faire certaines choses. Après les révoltes, quand l'Amir il a faibli, ils ont fait le khuruj alayhi, des révoltes, kuffar, ils sont rentrés dans l'affaire, tamakkana al-adou, tamakkana al-mujarim al-hudhi. Ça montre les bienfaits du Amir. Voilà où c'est un asi, voilà où c'est un fasiq, voilà où c'est un zalim. Il y a du khayr pour la umma. Et الشر il est marfoud à la kulli hal. Celui qui il fait des ma'asi, que ce soit un amir ou autre, c'est un asi. Lakin, tu ne peux pas te comporter avec le gouverneur comme tu te comportes avec ton fils, avec ton frère, avec ton ami. Abatan. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs hadiths, il te montre le comportement à avoir avec l'amir. Qala, الشيخ حفظه الله, qala innaha ta'dhibat nabawiyya. تحقن دماء المسلمين صحيح. On appliquera ces hadiths là, inshallah on préserve le sang des musulmans. قال واعراض المسلمين, l'honneur des musulmans كذلك. قال واموال المسلمين وما حصل من ظلم الوالي والله بسبب ذنوب الناس كذلك. حتى السوالي, سوالي الان, ce حاكم qui fait du ظلم, c'est بسبب ذنوب الناس. Allah subhanahu wa ta'ala il a qadr que ce حاكم il prend pouvoir et il a des ma'asi et il est injuste à cause des péchés de ce chab. Enfin, si on veut avoir un wali, un hakim, qui ne fait pas de ma'asi, qui n'est pas injuste, qui est à la khair, nous-mêmes il faut qu'on soit à la khair. Amma, tu critiques les autres, et toi-même tu es à la shar, hada la yu'aqal. La yu'aqal. Tu trouves là, fi bilad al-muslimin, kathir min al-nas yantaqidun ala al-hakim. Ma'rouf. On le voit là, à Sanaa, tu montes dans un taxi, tu rencontres des awam. Dès qu'il y a une chose, c'est le hakim. Ahyanan, tu lui dis, mais anta, tu fais salat, il te dit là. Tu lui dis, comment t'antaqid ala l'amir certaines ma'asi, et toi-même, akhi, tu ne fais pas salat. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'ahdou l'adhi, veynana ou veynahum ussala, va man tarakaha, va qad kabar. Fait comment t'antaqid? Ou il dit, maintenant, l'amir, il boit de l'alcool. Si c'est vrai, on dit c'est une ma'asiyah. Celui qui peut le conseiller, on fait du'a qu'Allah, il l'éloigne de ce péché, il a akhir. Lakin, toi-même, tu fumes là. Toi-même, tu fumes. Rubama, t'as de l'argent, t'achèteras de l'alcool, kadalik. Falimada, tu le critiques, ouais, et tu t'oublies, toi. Ça, c'est pas mal al-hikma, abadan. Qala, wallahi, bi sabab dhunub an-nas. Hada muqarrar fi kutub al-aqida, mitl al-sharh al-tahawi al-ibn abi al-izz, rahmatullah alayhi. Anna al-muslimin, idha aradu an yarfa'u anfusihim al-zulm, wa an ghayrihim, la yatadhalamun. Sahih, la yatadhalamun. Si tu veux que ce amir fait plus de zulm, écarte-toi du zulm. Toi-même. Amma al-an, tu trouves entre familles, rubama, le frère il déteste sa soeur, sa soeur elle déteste son frère, le père il déteste son frère, l'oncle il déteste son neveu. Fouda, entre la famille. Comment tu veux aller voir l'amir? Islih nafsak, wa ma hawlak, thumma tira voir ailleurs. Qala, al-shirk, qala wa al-shirk zulmun azim wa huwa hasil. Sahih. Dans certains pays musulmans, ils prétendent que le hakim il fait du mal, il est injuste, ils adorent des tombes. C'est du shirk akbar. وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به. Ils sont waqi'i hada, ils adorent les tombes, بعضهم. Pas tous, wallahi alhamd, lakin بعضهم. Personne peut nier hada. Thumma, il va voir le roi, il a dit, le président, il a fait. Ya fulan, t'es waqi'i fi shirk. Si tu m'as ala hada, t'es ala khatar azim. Comment tu vas aller voir fulan? Regarde ton nefs. Yawm al-qiyama al-an. Yawm al-qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala il va te juger par rapport à tes af'al. Si t'as fait du shirk, t'es à la khatar. Que le hakim il soit bon ou mauvais, ça ne changera rien à toi. Al-musiba elle est huna. Qala wa al-zulm bayna an-nas ba'dhum ba'dhan hasil. Ba'dhum ils prétendent, ils accusent le gouverneur de ne pas être juste. pas être juste de, il partage pas l'argent min hadha al-kalam. Wallahi rubbama pour 10 euros, rubbama il est capable de tuer, rubbama. Rubbama sa famille, avec son frère, avec son père, avec ses cousins, rubbama il y a des problèmes d'argent, wasil hadha, il vole hadha wa hadha il vole hadha. Thumma il va, il regarde le gouverneur. Ya akhi, toi même tu waqi'i hadha, comment tu reproches à un autre? Qala والله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى quand il y a du ظلم, un peuple il est à la ظلم, Allah سبحانه وتعالى il leur donne un amir ظالم. لأنهم c'est un ظلم, il mérite un ظالم. C'est des injustes, il mérite un injuste. Enfin, la faute c'est à qui? La faute c'est au peuple. Chacun il se remet en cause. Chacun il fait des efforts et inshallah on sera à la khair. قال وإذا حصلت الاستقامة في المسلمين حصل الخير. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tous les problèmes qui nous touchent là, c'est de ce qu'on a fait par nous-mêmes. Si on est à la salah, on est à la sunnah, inshallah on aura du khair. قال نسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم للخير ويرفع عنا وعن سائر المسلمين هذا الذل من الكفار. الشيخ الآن في الدعاء. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nos gouverneurs. C'est ça la solution. Comme a dit l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, wa ghayruhum min as-salaf al-fudayl, wa ghayruhum, annahum, il disait, si j'ai un dua, je serai sûr qu'il est exaucé, je le fais pour le sultan, pour l'amir. Il n'a pas dit pour mon père, il n'a pas dit pour moi, il n'a pas dit pour mes enfants, il a dit pour l'amir. Si j'aurai un dua, je suis sûr qu'il soit exaucé, je le fais pour l'amir. L'anna, si l'amir il devient bon et il est guidé, tout le monde va en profiter. Toi-même tu vas en profiter, tes enfants vont en profiter, tes parents vont en profiter. Ça nous montre, Anna, il ne faut pas qu'on ait un dha'f fi hadha al-janb. Toujours, on fait dua pour l'amir, pour le hakim. On fait dua pour les gouverneurs des muslimines, qu'Allah il les guide, qu'Allah il les préserve, qu'Allah il écarte l'ashrar, qu'Allah il écarte le kuffar, il leur met des pressions. On fait ce dua. Hada. Qala. Qala. الكفار مسيطرون والسبب في ذلك ذنوب الجميع. قد يقول قائل لماذا الكفار يبخلوا دسو؟ ils arrivent à propager leurs idées dans les peuples musulmans. C'est à cause de nos péchés. كما قال عز وجل ونغيبت الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تمكين الكفار الآن على المسلمين c'est بسبب الذنوب. والله لا تظن أن الكفار ils ont une puissance comme ils l'appellent ou ils ont du courage ou ils veulent tomber à بدن. والله tout ça c'est à cause de nos péchés فقط. أما الكفار الله سبحانه وتعالى les jugera يوم القيامة et ils sont في النار. أما أنت أيها المسلم الله t'éprouvé بهؤلاء à cause des ذنوب. الآن la musique elle est propagée, la mixité elle est propagée. كثير من الناس ils se prétendent musulmans, ils font pas salat. بعضهم ils font du shirk, ils adorent les tombes. Le vol, la corruption, le mensonge. Tu trouves واحد il est dans un pays musulman, on le voit à Sanaa الآن. Il est habillé comme un kafir. La coupe de cheveux comme un kafir. Il essaye de parler comme un kafir. هؤلاء سقوم الله سبحانه وتعالى سلط عليهم أشر الناس اليهود والنصارى. قال ولا يفهم من هذا أن ولاة أمور مسلمين بررة. Cheikh, quand il cite ça, ça ne veut pas dire qu'on dit que les gouverneurs, c'est des pieux, c'est des... Ah, putain, on sait qu'ils ont du droit, on sait qu'ils ont des péchés. Lakin, c'est quoi la solution? قال فعندهم من المعاصي ما عندهم نسأل الله يصلحهم لكن هذه المعاصي حصلت من الأمراء في زمن بني أمية. قال وحصلت المعاصي في زمن الدولة العباسية وتعالج بالنص. الشيخ الآن يتمطر أن المعاصي c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des siècles, les musulmans ils ont des gouverneurs et ces gouverneurs ils ont des péchés. إلا من رحم الله. لكن الآن c'est quoi la solution? قال تعالج بالنص. أولا le conseil. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أولا النصح. Celui qui peut conseiller. النصح فيه خير. قال وتعالج بالصبر. كذلك يا أخي في الدنيا. T'es pas في الجنة. الدنيا سجن المؤمن. La hausse des prix. ربما يا دو ظلم يا des injustices. يا أخي في الدنيا. T'es pas في الجنة. T'es pas في الجنة. لا تغتر بالكفار. الكفار الآن ils en profitent. وفي الآخرة ils ont aucune part. فأنت صبر. صبر على هذا الأمير. Ça reste ton frère musulman tant que c'est un musulman. Fais du'a pour lui. قال وتعالج بالدعاء. كذلك الدعاء. Faire beaucoup d'invocations pour eux. قال وتعالج بالدعوة إلى الله. كذلك الدعوة. On enseigne aux gens هذه المبادئ. نحن ولله الحمد. Avec combien de... On a parlé avec beaucoup de personnes en Sanaa, des awam, que ce soit dans des taxis, dans des endroits. Wallahi, tu lui expliques manhaj al-salaf par rapport au hakim, la plupart ils acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté. Ils ont goûté au khuruj, au shar. Et ils savent comment il était le Yémen avant la révolution. Ils savent comment le niveau qu'ils ont atteint, hein, la hausse des prix, les fitan. Wallah, kathir minhum, ils disent sahih. Ils disent sahih, c'est du shar. Et il reconnaît qu'il a été manipulé. Enfin, on montre aqidat al-Rasul, on montre manhaj al-Qur'an, on montre aqidat al-Salaf dans cette mas'ala. Et tu vas voir que les gens, ils acceptent. Kathir minhum. Tu trouves واحد, un vaïa, il n'accepte pas, il suit sa hawa. La yadur, il ne fait aucun mal. Lakin, kathir minhum al-Muslimin, ils acceptent. Khassatan, anta, tu cites des versets du Qur'an, des hadiths du prophète sallam, tu lui montres les méfaits, tu lui cites des exemples de salaf, comment il se comporte avec le gouverneur, et tu verras qu'il y a un khayr azim, jittan. قال وتعالد نعم بالدعوة إلى الله على بصيرة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعدة الحسنة وتعالج بالعلم والتعليم ورد الناس إلى الهدى نعم tu leur montres comme on a expliqué. قال تعالج بالفقه الصحيح فإن الفقه يرفع عنك عبئا إذ قال إذا تفقه المجتمع نعم صحيح ما بالك أنت الآن si le peuple des musulmans les matalan en Tunisie, en Égypte, au Yémen, tous ces peuples qui ont fait le khourouj, ils seraient à la sunna, ils auraient étudié cette mas'ala. Allah, ils seraient à la khair, ils n'auraient pas fait le khourouj, abadan. Ils auraient patienté, et même si ça ne serait pas amélioré, au moins ça ne serait pas empiré. Al-An, c'est quoi le résultat al-An? C'est quoi l'An? Al-An, des morts tous les jours en Libye. En Libye, c'est un pays qui ne connaissait pas les meurtres à Ahad. Voilà où ils avaient un zalim. C'était houdou, niveau meurtre, niveau armes, ils n'avaient pas. Al-An, des meurtres croissent. En Tunisie, nafs al-shay. Au Yémen, ils étaient à la khayr, l'un des morts tous les jours, des manifestations tous les jours. Tamakkanou al-rawafid. Avant, il n'y avait pas de temkin al-rawafid. C'est quoi l'un? Akhi al-muslim, tu dois voir la conséquence de tes actes. Ça a changé quoi l'un, cette révolte? Prends l'exemple du prix du carburant au Yémen. Les 5 litres au Kamayakoulon, ils étaient à 2500 riyal taqriban. Avant la révolution, ils ont fait la révolution, l'un, c'est à 4000. Ils ont gagné quoi? Les coupures d'électricité, c'était une heure ou deux heures par jour. Maintenant, c'est 15 heures par jour. Qu'est-ce qu'ils ont gagné via le khuruj? Voilà, c'est que du char. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est ça le fitna. قال فَيَتَعَامَلْ بِالدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ تَعَالَى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. أخي الكريم, si on a un khilaf entre nous, que ce soit dans le khourouj, les manifestations, les élections, et là, on revient à ce verset. « Wa makhtalaftum fihi min shay » Si vous êtes en divergence dans une chose, « Fa hukmuhu ila Allah » C'est pas toi qui as raison, c'est pas moi qui as raison. C'est Al-Qur'an ou Sunnah, on revient. « Qala azza wa jal wa qala ta'ala fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasoul in kuntum tu'minuna billah wa liyoum al-akhir » Si t'es un musulman, un mu'min, tu crois en Allah au jour dernier, si y a un khilaf, on revient à Allah subhanahu wa ta'ala et Al-Qur'an et à son prophète et Sunnah. C'est quoi ton dalil qui autorise les manifestations? C'est quoi ton dalil qui autorise le renversement des gouverneurs, les révoltes, les attentats? C'est quoi ta preuve là? Wala shay illa al-hawa est manipulé par le kuffar. Qala al-shaykh tu'alad bima 'alaja as-salaf ridwanullah alayhim bidhalik, revenir à manhaj as-salaf. Wallahi c'est manhaj ar-rahma. C'est manhaj al-haq, c'est fondé sur l'ilm. Amma al-an, les attentats, toutes ces révoltes, ces manifestations, c'est manipulé par le kuffar. Et ceux qui appliquent, c'est Ahlul Bida'a. Qu'al-Qa'ida, Al-Mujrimi, Al-Qa'ida, Al-Khawarij, Al-Rawafid, tout cela. Qala fa'awliya al-umur. Il va citer l'un les bienfaits quand il y a un amir. On les lit. Qala fa'awliya al-umur. Parmi les bienfaits quand il y a un wali. Ou alors si c'est un zalim. Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, il a démontré qu'il vaut mieux vivre 60 ans. Ou comme il dit, plusieurs années avec un hakim zalim. T'amal cet exemple de Cheikh l'Islam. Maintenant, 50 ans avec un amir sans zalim vaut mieux ça qu'une nuit sans amir. Pourquoi il a cité cet exemple, Cheikh l'Islam? Il y en a 60 ans avec un gouverneur, même s'il est injuste, tes biens, ton sang, ils seront préservés. Bi'idhnillah azza wa jalla. Comme c'était le cas dans les pays musulmans, la Libye et autres. Une nuit sans Amir, Robama, ton voisin, il te tue. Une nuit. Robama, ton voisin ou un mujrim, il y a ta makkan, bisoura. Qal al-shaykh, hafidahullah, parmi les bienfaits, qal, tu'man bihim al-sabil, ou subul. Sahih. Mais non, c'est un mujrim. Il y a des règles. Maintenant, les armes, c'est interdit. L'injustice, c'est interdit. Tu voles, c'est interdit. Tout ça, bil amir. Hatta bil al-kuffar, c'est des kafaras. Ils appliquent ça. Ma balouk les musulmans. Qala wa tuzbat bihim al-hukuk. Walou ba'd al-hukuk. Sahih. Walou ba'd al-hukuk. Maintenant, un wahid, il t'a fait du mal. Tu portes plainte. Pays musulman, bi idnillah, t'auras ton haq. Walou une partie. Amma son amir, il n'y a plus tout ça. Et ils l'ont vécu, les musulmans, dans les révoltes. Wallah, le voisin, il volait le voisin. Il avait une affaire avec un autre, il le tue. Il n'y a plus d'amir. Ils ont fait la révolte, il n'y a plus de règles. Tout le monde fait ce qu'il veut. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa hum al-qa'imun ala al-hudud wa al-qisas. Qala wa qat'a yad al-sariq. Dans certains pays, ils appliquaient ça. Tu trouves au Yémen, dans certains endroits, ils appliquaient ça. Avec la révolution, on va à tel humour. Qala wa al-qa'imun ala al-a'yad. Sahih. Anna, le jour du Eid, c'est eux qui ils sont responsables de ça. Et tu le sens, fi bilad muslimin. Qala hum al-qa'imun ala al-siyam wa al-fitr. وهذه شؤونهم نعم صحيح صحيح ça tu peux pas leur enlever ça يا جهد قال القائمون على الثغور إن حصل ذلك أي الجهاد قال فينبغي أن يعانوا بالدعاء لهم في الصلاة même si le gouverneur il est injuste n'oublie pas qu'il a du khair il fait الصلاة c'est un مسلم il a un جهد إنكار هذا c'est pas من الحكمة لا يشكر الله من لا يشكر الناس قال ويصبر ويصبر نعم نعم ويصبر على ظلمهم أي الشعب وباسيون قال ويصبر على ما يحصل منهم ما حصل منهم من دعوة إلى باطل بسبب دعوة المبطلين وبسبب مجالسة أهل الشر نعم فأ attention groupes égarés القاعدة الروافض الإخوان المسلمين tout cela ils veulent pas de ton خير أخي الكريم والله tout cela ils se révoltent contre le gouverneur et leur but c'est le كرسي والله لا يبالون بك ولا بغيره قال وبسبب مجالسة أهل الشر oublie pas كذلك أن le gouverneur هذا il a des pressions. Al-Kuffar, ils leur mettent des pressions jitten. Kadalik, autour d'eux, il y a ulama al-Sou, al-Dhalal. Al-Soufiya, Rawafid. Tu trouves ce hakim, il a des faiblesses. Fa'anta, ne rajoute pas du char à la char. Fais du'a pour lui. Tu peux conseiller, conseille. Qal, yonsahoun vidalik. Wala yukar al-munkar. Wala yukar al-munkar. Abatan, on n'accepte pas le munkar. Le hakim, il se rase la barbe, on dit, rase la barbe, c'est mashrou. Abatan. C'est le mukhalafa des sunnats Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit le hakim qui le fait ou autre. لكن سامحك بعد سوغيفولتي ابدا قال يبين المنكر للناس يحذرونه قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حديث تميم معروف في صحيح مسلم on l'avait étudié ensemble في شرح الاربعين هذا on voulait lire ces quelques pages في الحقيقه ce sujet inshallah on essaiera de le traiter اكثر معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة l'obéissance des gouverneurs à la lumière du Coran et de la Sunna on voulait faire cette kalima il y a longtemps لكن قدر الله ما شاء فعل et ces quelques feuilles qu'on a lues de les paroles de Cheikh Yahya نافعه كذلك ننبه أن كثير من الناس الآن يطعنون في حكام السعودية ça c'est un خطأ والله c'est من أحسن الحكام في هذا الزمان الحق يقال نحن on dit ça ils nous donnent ni argent ils nous connaissent pas on n'est pas en Arabie Saoudite لكن الحق يقال أن c'est une دولة ils donnent du respect et ils donnent de l'importance جدا au tawhid faut pas oublier هذا الخير et ils combattent le shirk la shirk ils ont des ma'asi c'est des êtres humains لكن tu trouves الآن نحن on l'a vu au Yémen dans les autres pays كذلك يطعنون في السعودية واصل et ça والله c'est un خطأ والله السعودية ils donnent de l'importance au علم tu vois l'importance qu'ils donnent à leurs savants. Le Cheikh Yahya Hafidhahullah, il y a quelques jours, quand il est revenu de Saoudie, il a cité ce point. Il a été étonné, et il savait où, l'importance que Saoudie, il donne aux savants. Dans certains pays là, dans des autres pays là. Et prends l'exemple du Mufti, Al-Allama Cheikh Abdel Aziz, Hafidhahullah Ta'ala, la place qu'il a et le respect qu'il a. C'est un savant de la Sunna. Cheikh Saleh Al-Haidan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, Haoula, ils sont connus par le gouvernement et l'importance qu'il leur donne. كذلك السعودية c'est un des seuls pays الآن qui applique le sharia leur loi elles sont fondées sur le Coran et le Sunna ou alors il y a des faiblesses on les aide avec le dua comme a dit le Cheikh Mokbel sa risala مشاهدتي في المملكة العربية السعودية il cite les bienfaits de ce pays ce genre de pays السعودية مثلا كذلك le bien qu'ils font pour le Hujjaj ou le Haramain l'importance qu'ils donnent que ça soit au niveau de l'hygiène au niveau de la restauration au niveau de tout ça لا ينسى هذا الخير. سيدي المسلمين في هذا الزمن سمن أحسن الحكام نحن الذي بحق ولا نبالي بالمخالف ولا نبالي. هذا استكلمة نقول لا خصيزة على فاق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين, ونسأله عز وجل أن يكفينا شر الكافرين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.